Le comité de souvenir du général Kim Jong-il est constitué le 27 octobre au groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée de la Russie. Le comité de souvenir a fixé l'espace du 27 octobre au 19 décembre comme la période de souvenir. Et il a décidé d'adresser un message au maréchal Kim Jong-un de déposer une corbeille de fleurs devant le tableau de peinture où figurent le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il et d'organiser largement les activités pour présenter la noble vie et les exploits immortels du général Kim Jong-il.